Vers le milieu du mois de mars, un jour qu'il traversait le pont d'Arcole, ayant à faire une commission pour Rosanet dans le quartier latin, Frédéric vit s'avancer une colonne d'individus à chapeau bizarre, à longue barbe. En tête, et battant du tambour, marchait un nègre, un ancien modèle d'atelier, et l'homme qui portait la bannière, sur laquelle flottait au vent cette inscription « Artiste peintre », n'était autre que pèlerin. Il fit signe à Frédéric de l'attendre, puis reparut, 5 minutes après, ayant du temps devant lui, car le gouvernement recevait à ce moment-là les tailleurs de pierre. Il allait avec ses collègues réclamer la création d'un forum de l'art, une espèce de bourse où l'on débattrait les intérêts de l'esthétique. Des œuvres sublimes se produiraient, puisque les travailleurs mettraient en commun leur génie. Paris, bientôt, serait couvert de monuments gigantesques. Il les décorerait. Il a même commencé une figure de la République. Un de ses camarades vint le prendre, car ils étaient talonnés par la députation du commerce de la volaille. « Quelle bêtise !» grommela une voix dans la foule. « Toujours des blagues, rien de fort. » C'était Roger Barre. Il ne salua pas Frédéric, mais profita de l'occasion pour répandre son amertume. Le citoyen employait ses jours à vagabonder dans les rues, tirant sa moustache, roulant des yeux, acceptant et propageant des nouvelles lugubres. Et il n'avait que deux phrases. « Prenez garde, nous allons être débordés !» Ou bien « Mais sacrebleu, on escamote la République !» Il était mécontent de tout, et particulièrement de ce que nous n'avions pas repris nos frontières naturelles. Le non-seul de Lamartine lui faisait hausser les épaules. Il ne trouvait pas le Drurolin, entre guillemets, suffisant pour le problème. Traita Dupont, de l'heure, de vieille ganache. Albert, d'idiot. Louis Blanc, d'utopiste. Blanqui, d'homme extrêmement dangereux. Et, quand Frédéric lui demanda ce qu'il aurait fallu faire, il répondit, en lui serrant le bras, le broyé. « Prendre le Rhin, je vous dis. Prendre le Rhin, fichtre !» Puis, il accusa la réaction.